Le porte-parole du comité de mesures extraordinaires de la République populaire démocratique de Corée pour le secours des victimes de kidnappage a publié le 29 juin une communication à propos de la démarche des autorités sud-coréennes qui refusent le renvoi de Kim Yeon-hui et des 12 autres citoyennes de notre République et justifient leur détention forcée. En voici le résumé. Il est déjà largement connu dans le monde sur l'identité de nos citoyennes enlevées et de leurs familles. Pourtant, les autorités sud-coréennes lancent des propos insensés, comme si les filles kidnappées ne veulent pas leur sortir dans l'inquiétude de la sécurité de leur famille. Sur ce, elles ne rendent pas publique leur situation et les isolent de l'extérieur. Elles ne délivrent pas les passeports à nos citoyens qui réclament leur rapatriement, les surveillent et persécutent en permanence sous le soupçon d'espions. Les autorités sud-coréennes prétendent absurdement que nos citoyens qui devraient être sous la protection juridique de notre République soient citoyens établis selon un certain processus juridique et qu'il n'y a pas de raison de les renvoyer au Nord. C'est là une provocation politique intolérable déniant notre régime. La détention forcée et injuste de nos citoyens est une atrocité inhumaine identique au forfait de la bande traîtresse de Bakounet, commis contre la nation et l'humanité, et un crime contre les droits de l'homme allant à l'encontre de la norme et du principe international en la matière. Les autorités sud-coréennes se mettent du parti de la bande des conservateurs qui ont séparé sans hésitation les enfants de leurs parents et de leurs proches et parlent d'une rencontre des familles séparées. Elles sont tenues de renoncer à leur conduite répugnante et de renvoyer sans condition nos citoyennes kidnappées.